Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La Pologne et le féminisme », une série de Joanna Gruzinska réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a 100 000 femmes à Varsovie en 2016, sous des parapluies, avec un cintre à la main. Il y a aussi un régime autoritaire et nationaliste qui s'attaque aux droits des femmes et un pays catholique venu à bout du communisme au détriment du féminisme. Alors il faut raconter cette mobilisation contre le projet de limiter le droit à l'avortement. Alors pour commencer, les personnages. Une féministe primée, des femmes en noir, un député conservateur, une militante furieuse, des femmes organisées et une bénévole du planning familial. Ensuite, le décor. Un mois de février glacial, la rue, du punk, de la colère, de la solidarité, des portes fermées, des mégaphones et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, premier épisode, on remet une médaille. Paris, janvier 2017, l'automne est passé. Le mouvement des femmes polonaises ne faiblit pas. J'assiste à la remise du prix Simone de Beauvoir que les féministes françaises décernent cette année à Barbara Nowacka et au comité Sauvons les femmes, dont elle est cofondatrice. Barbara raconte la naissance du comité, née en réaction à la nouvelle loi qui devait interdire totalement l'avortement et qui devient un des piliers de la mobilisation d'octobre. La salle écoute attentivement la jeune femme. Le pays était pionnier en matière d'égalité de droits, acquis par les femmes dès 1918. Dans l'entre-deux-guerres, les militants progressistes éduquent la société et font pression sur les pouvoirs. L'avortement passe d'interdit à autorisé dans les cas de risque pour la santé et la vie de la femme et dans les cas de viol. Après la guerre, la législation stalinienne rétablit l'interdiction totale. Et c'est en 1956, lors de la première rupture avec le stalinisme pur et dur, qu'une nouvelle législation advient et autorise l'avortement sous condition. Elle sert de modèle à beaucoup de pays européens, dont la France. C'est au moment des changements démocratiques, à la chute du mur, que la loi régresse. Le passage à la démocratie s'est avéré catastrophique pour les droits des femmes, raconte Barbara, devant l'Assemblée étonnée, moi comprise. En 1992, le gouvernement a essayé d'instaurer une interdiction totale de l'avortement avec des peines d'emprisonnement. La réaction sociale a été 2 millions de signatures pour un référendum civique sur l'avortement. C'est le début du compromis, l'avortement autorisé dans certains cas seulement. Barbara explique qu'au moment de la victoire de la droite polonaise en 2015, soutenue par l'Église catholique et les milieux pro-vie, elle soulève d'ailleurs l'ironie de l'appellation, ce compromis déjà restrictif fut de nouveau menacé. Barbara parle de barbarie. Elle finit son discours par « Le combat des femmes continue ». Je suis sidérée par la position de la femme polonaise dans ce puzzle historique et politique. L'égalité des droits a été cédée en échange, mais de quoi ? Dans le passage à la démocratie. De quoi la femme polonaise est-elle le nom ? Octobre, encore la révolution. Octobre 2016. Dans ce pays de l'Union européenne, dirigé par un parti conservateur, un mouvement de révolte explose à l'annonce de la proposition de loi contre l'avortement. Cette mobilisation sans égale depuis celle de l'opposition au régime communiste réunit tous les acteurs de ce qu'on peut appeler un mouvement de défense des droits civiques des minorités, porté par le féminisme. Un monde militant et citoyen émerge, d'artistes, de journalistes, d'hommes et de femmes politiques, tous mobilisés contre l'ordre moral dicté par le parti au pouvoir et soutenu par l'Église catholique. C'est encore l'heure de la révolution féministe en Pologne. C'est de nouveau le moment de penser un autre monde. Des milliers de Polonais ont réaffirmé leur opposition au projet du gouvernement conservateur de durcir les lois contre l'avortement. À Varsovie et dans plusieurs villes du pays, des femmes ont manifesté vêtues de noir ce dimanche. Face à l'importante mobilisation, les députés avaient rejeté au début du mois un projet de loi prévoyant l'interdiction totale de l'avortement. Mais le leader du parti Droit et Justice au pouvoir a affirmé qu'il préparait une autre loi. De nouvelles manifestations sont prévues ce lundi. Varsovie, février 2017. Six mois après la manif noire, Agata Czarnecka, militante des mouvements d'opposition à la loi, revient sur l'esprit de cette révolte. On a vu le 3 octobre que la colère des femmes polonaises était immense. En septembre, on a été déjà en colère, déjà désespéré. Comme ça, la frustration a été canalisée par les appels à la grève des femmes le 3 octobre. Parce que 150 000 femmes, dont presque toutes les villes de Pologne, se sont mises à la rue pour protester l'abolition du droit à décider de soi. C'était la grève à l'islandaise. Si les femmes se retirent du travail pour une seule journée, le pays collapse. Donc les femmes peuvent faire du bruit. Ça s'appelait la grève des femmes. C'était une grande manif de quasi 10 000 personnes, vêtues en noir. Et aussi, il s'est déroulé une action en soutien sur Facebook, très simple, conçue par les partis Razem, de se vêtir en noir, c'est prendre un selfie et voilà, pour publier ça sur Facebook en soutien des protestants. Des manifestants en soutien de sauvons les femmes et en soutien de ceux qui opposaient la loi conservatrice. Et pourquoi le Czarny Protest ? Pourquoi la protestation noire ? C'est une référence historique pendant les partitions, c'est-à-dire le temps où la Pologne a été partagée parmi trois pays voisins, où les femmes se sont vêtues en noir pour montrer le deuil après son pays. Et voilà, mais c'est aussi assez simple, c'est très graphique, on peut dire, très esthétique et assez facile à obtenir. Donc en fait, le noir est une couleur. Ouais. Deux mondes se font face. Ils semblent irréconciliables. Marek Jurek, député européen du Parti chrétien conservateur. Les valeurs de la civilisation chrétienne, de chrétienté, ce sont le principal principe de notre engagement. Donc vos relations avec l'épiscopat et l'Église en Pologne sont des relations proches ? Ce sont des relations filiales parce que nous sommes en majorité des catholiques. Je pense que le rôle de l'Église dans la démocratie est très important. Le rôle historique, parce que, par exemple, elle a joué un très grand rôle dans notre voie vers l'indépendance. À l'époque, dans les années 70-80, cette position de l'Église était universellement reconnue en Pologne et en Occident. Je me souviens aussi de la déclaration de Bernard-Henri Lévy, qui est un grand intellectuel libéral, qui est à l'époque de Solidarité a écrit « Nous sommes tous des catholiques polonais ». C'était très important, pas seulement pour la Pologne, mais pour toute l'Europe. Donc je pense que c'est notre capital social, cette position de l'Église que nous conservons dans notre vie sociale. Vous savez, en Europe, on a parlé beaucoup de la révolution noire en Pologne, tout ce marche noire, etc. Mais vous pouvez venir en Pologne entre mars et mai pour voir chaque année des dizaines de milliers de personnes qui marchent dans dizaines de villes polonaises dans les marches de la vie et de la famille. Je pense qu'à Varsovie, il y aura 30 ou 40 000 de personnes cette année, comme à Paris, parce que il y a des semaines, j'étais à la marche de la vie à Paris. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont défilé pour la marche dite noire, est-ce que ce sont quand même des citoyens polonais? Ce sont aussi pour vous des sujets de Dieu? En tout cas, ils participent autant de la nation polonaise chrétienne que les autres, non? Nous sommes des êtres raisonnables, il faut toujours discuter. Bien sûr, je pense que tous nos peuples européens, nous sommes victimes de manque de compassion, de manque de sens de devoir, etc. Nous avons des problèmes. Je ne suis pas enthousiaste des conséquences de la révolution 68. Mais c'est la réalité de l'Europe. Il faut sortir par le débat quotidien, par les décisions démocratiques, etc. Nous sommes témoins de souffrances chaque jour, des enfants qui sont assassinés. Bien sûr, je répète souvent que donner la vie, c'est grand bonheur pour les parents, mais souvent c'est aussi la situation dramatique. Mais il faut surtout souvenir que chaque jour, en Europe, des centaines d'enfants sont tués au nom de quoi, je ne sais pas, irresponsabilité, manque de sensibilité, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes déterminés de défendre le droit de chaque enfant à naître, à vivre. Excusez-moi, je suis maintenant, famille, je dois aller à la commission des affaires. On va vous laisser partir. Est-ce que votre famille, votre femme et vos filles vous soutiennent? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est mon grand bonheur. Nous sommes très unis dans nos principes, dans nos convictions. Sauf qu'un journaliste a écrit que mon épouse est beaucoup plus déterminée dans nos convictions que moi. Dokonywanej na życzenie. Na życzenie, tak. Uważam, że to obecne prawo jest jak najbardziej jest właściwe. Le mouvement est aussi puissant que complexe. Certains réclament la liberté totale, d'autres s'opposent à l'interruption volontaire de grossesse. Complètement immergée dans l'action, donc je me souviens seulement un champ de parapluies partout. La foule était énorme, de 50 000 personnes. Pour moi, c'était une leçon de révolution, de mouvement, de comment faire une révolution et comment ne pas faire. La colère, de la foule. C'est une force énorme, c'est une force de la nature. En fait, la loi a été retirée suite à cette grande manifestation. Et pourquoi est-ce que les Polonaises se sentent encore aujourd'hui en danger ? Maintenant, l'avortement est interdit dans la plupart des causes. Il n'existe pas une interruption volontaire des grossesses en Pologne, dans l'état législatif ici. Les femmes se procurent l'avortement en clandestine. Ou elles se rendent en Allemagne, en Slovaquie, ou même en Grande-Bretagne, où ils peuvent obtenir la procédure. Très mal vu quand nous demandons. C'est interdit. Voilà. C'est pas très mal vu, c'est interdit. Mais c'est très mal vu quand nous demandons l'avortement sur demande des femmes. Parce que la femme polonaise, apparemment, n'a pas une voix légale de décider de soi et de son corps. Voilà, on comprend. C'est ça le truc. Non, mais c'est ça le truc. Oui, non, mais l'IVG est interdit en Pologne. L'IVG est interdit. C'est pour ça que vous êtes là, les amis. On arrive devant Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny, donc le planning familial. Voilà, petite porte verte dans immeuble d'habitation commun, enfin rien de particulier. Rien ne montre qu'il s'agit ici du planning familial, c'est un endroit très discret. Dzień dobry, ja mam Gruzińska, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogę z panią spotkać. Bo czasami bywa tutaj niezbyt bezpiecznie. On fait mieux de fermer la porte, parce que de temps en temps, il arrive des problèmes. Ostatnio otwarte były drzwi i wszedł mężczyzna, który zapytał, czy tu jest to miejsce, w którym się zabija dzieci. Assez récemment, on a laissé la porte ouverte, pas fermée, pas verrouillée. Un homme est entré dans la fédération pour demander si c'est ça le lieu où on tue les enfants. Christina Kaptura, la directrice, est une figure incontournable du mouvement. Elle nous raconte le rôle primordial qu'a joué et que joue encore le planning dans la lutte des femmes. La fédération a été créée en 1991 lorsque nous avons vu que les droits reproductifs des femmes étaient en danger. En 1989, la Pologne a gagné la démocratie, mais ce sont les femmes qui en ont payé le prix en perdant leurs droits reproductifs. Malgré une mobilisation énorme de la société et presque un million de signatures qui réclamaient le référendum en ce qui concerne le droit à l'avortement, nos politiciens ont déconsidéré les voix qui s'élevaient de la société. Ces voix ont été mises en quelque sorte à la poubelle. Et en 1993, la loi restrictive sur l'interruption volontaire de grossesse est passée. Cette loi est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Kobiety i społeczeństwo Les femmes et toute la société pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était perdu. Et ce qu'on appelle le compromis passé entre les politiciens et l'Église fonctionne plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Kobiety, jakby można powiedzieć, w dużym uproszczeniu zaakceptowały istniejące prawo, ten tak zwany kompromis, można powiedzieć, dla świętego spokoju społecznego. Les femmes ont accepté cette loi, la loi du compromis, pour assurer, pourrait-on dire, peut-être pas la paix du foyer, mais pour assurer la paix sociale. Załamała się solidarność kobieca. Et c'est là où la solidarité féminine s'est effondrée, parce que les femmes des grandes villes ont toujours un accès à Internet, peuvent savoir sans grande difficulté toutes les possibilités pour se faire avorter. Z tego wynika, że prawa reprodukcyjne i tak zwaną sprawiedliwość reprodukcyjną można po prostu kupić. Ce qui signifie que, en fait, les droits reproductifs, la justice reproductive, ça s'achète, comme tout le reste. Właściwie można powiedzieć, że nasza działalność koncentrowała się na naszej wielkiej tragédie. Donc on peut dire en quelque sorte que notre action s'était concentrée sur notre grande tragédie. Parce que nous sommes nés pour garantir aux femmes les droits reproductifs et nous avons dû en grande partie travailler à ce que le compromis que nous détestons tant soit respecté. Obecnie istnieją całe regiony Polski. Il existe des régions entières en Pologne où les hôpitaux refusent de pratiquer l'avortement pourtant légal. U nas się tego nie robi, my nie mamy personelu. Proszę szukać. Alors on entend, chez nous on ne fait pas ça, on n'a pas le personnel, vous n'avez qu'à chercher ailleurs, podanie pani ne sont pas tenus de vous admettre. Dzieje się tak z powodu podpisania przez całe szpitale. Alors ces propos sont possibles grâce à une clause de conscience autorisée et signée parfois par tout l'hôpital. Selon cette clause, le médecin n'a même pas à indiquer à la femme enceinte où et comment elle peut pratiquer un avortement légal. I wreszcie nastąpił ten taki oczekiwany, ale może nie w takim wymiarze, atak. Arriva enfin cette attaque attendue, mais peut-être pas de manière aussi massive. Attaque contre les droits des femmes et les droits reproductifs des femmes. Cette attaque est venue d'une initiative Stop Avortement qui a présenté un projet de loi interdisant complètement l'avortement et la punition des femmes qui font des fausses couches. Le non-accès à la contraception d'urgence, aux examens médicaux, à l'éducation sexuelle et la réponse à cette attaque était la création du comité Sauvons les femmes qui propose une législation européenne dans ce domaine. Po raz pierwszy od dwudziestu kilku lat, od wejścia w życie tej ustawy, środowisko féministe, kobiet. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le milieu féministe, le comité Sauvons les femmes et d'autres défenseurs des droits des femmes ont réussi à réunir 250 000 signatures pour une proposition de loi qui assurerait le droit à l'avortement. Obydwa projekty weszły równocześnie pod obrady sejmowe. Les deux projets de loi sont en train de discussion au Parlement. C'était des discussions terrifiantes. Extrêmement misogyne, anti-femme, très anti-droit de l'homme. Durant cette discussion, c'est l'embryon qui avait tous les droits. Les femmes n'étaient même pas évoquées. Padały z mównicy sejmowej słowa, że Polska będzie pierwszym krajem całkowicie za życiem i na pewno pociągnie za sobą inne kraje europejskie. On entendait au Parlement des voix qui disaient que la Pologne serait le premier pays entièrement pro-life, qu'il entraînerait d'autres pays européens. Natomiast projekt zakazujący. On peut dire que c'est cela qui fut le déclencheur, la raison principale pour laquelle les femmes sont sorties massivement dans la rue et ont déclaré la grève. I można z całą pewnością powiedzieć, że to był ten punkt zapalny, to była ta podstawa. On n'avait pas vu un tel mouvement de solidarité des femmes et de la société tout entière depuis le mouvement de Solidarność. Takiego masowego Les politiciens ont commis une grosse erreur en minimisant la protestation, en disant que les femmes s'amusent, elles vont arrêter bientôt, on ne va pas faire attention à elles. Les politiciens ont commis un grand erreur, parce qu'ils ont zlekceważyli ten projet. Le projet présenté par l'initiative Stop Avortement a été envoyé pour étude par la commission parlementaire. Notre but, c'est amener à ce que les femmes polonaises ne restent pas devant la porte des hôpitaux à commander, à supplier que la loi qui existe soit respectée. Nous arrêterons d'être des citoyennes de deuxième catégorie. Nous serons des citoyennes aux droits entiers. Et nous disons, nous ne rangerons pas nos parapluies. Les Polonaises exigent que les gynécologues s'occupent de leur santé et non pas de leur conscience, de leur corps et non pas de leur âme, si toutefois elles en ont une. Vous savez bien, vous, médecins gynécologues, comment les Polonaises souffrent de cette terrible loi, de ce terrible compromis où elles n'ont rien eu à dire. Vous savez comment les femmes souffrent, les femmes polonaises souffrent en silence. Arrêtez ce silence. Rangez-vous de notre côté. Il est temps. Quelques semaines après l'avoir rencontrée à Paris, nous retrouvons à Varsovie Barbara Nowacka, à l'initiative du comité Sauvons les femmes. Elle est au cœur de l'enjeu politique du féminisme en Pologne aujourd'hui. Avec un groupe de personnes engagées dans la réflexion sur le droit des femmes et avec des activistes, des amis, on a fondé le comité Sauvons les femmes pour préparer un projet de loi qui libérerait le droit à l'avortement en Pologne. Il y a eu avec nous des représentants des partis féministes, du parti des Verts, mais aussi des personnes non engagées politiquement auparavant, des membres d'organisations comme Initiative Polonaise et des gens pour qui, tout simplement, le droit des femmes sont un marqueur de la démocratie. Ale dzięki właśnie takiej wspólnej pracy udało nam się zebrać prawie ćwierć miliona podpisów na rzecz liberalizacji prawa. Grâce à notre travail commun, nous avons réussi à réunir un quart de million de signatures en faveur de la libération du droit à l'IVG et par la même occasion introduire un grand débat sociétal pour ce sujet essentiel pour beaucoup de Polonaises. On ne s'est pas cantonné aux grandes villes, on est allé dans les petites villes et villages, dans des endroits où les droits de l'homme ne sont jamais abordés. Kiedy w ogóle dyskutuje się o prawach człowieka. Z jednej strony prawica, wczoraj prezydent wypowiada się krytycznie, chociażby konwencja. D'un côté, la droite, le président qui s'est prononcé contre notre lutte, même s'il a signé la convention contre les violences faites aux femmes, le gouvernement retire ses subventions aux associations qui viennent en aide aux femmes et à ceux qui militaient pour le droit des femmes et contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement veut nous punir de la manifestation noire. Zdecydowanie wyszłyśmy. Nous sommes sortis gagnantes de ce conflit, parce que la droite avait de toute manière prévu d'attaquer les droits des femmes. La différence, c'est qu'ils auraient attaqué des femmes inconscientes et pas organisées. Et là, ils attaquent des personnes tout à fait conscientes de ce qu'on leur fait et qui savent comment se défendre. Sam projekt liberalizacji ustawy aborcyjnej w Polsce na razie jest zawieszony. Le projet de loi de libération du droit à l'avortement en Pologne est suspendu pour le moment. Ale jako komitet podejmujemy. On ne prévoit pas prochainement de revenir à ce projet. Przygotowujemy się do pisania. Mais le comité poursuit ses actions. On est en train de rédiger une circulaire européenne pour protéger les femmes, pas seulement en Pologne, mais là où c'est nécessaire en Europe. Jeszcze da się ich obronić. Ten prawicowy zamach na prawa i wolności kobiet. nie dotyczy tylko Polski, ani Europy Środkowo-Wschodniej. To proces, który widzimy w całej Europie. Car cette attaque de la droite sur le droit des femmes ne concerne pas seulement la Pologne ou même l'Europe de l'Est, c'est un procédé, une attaque que nous voyons dans toute l'Europe. Prawa narodowe takie skonstruowane są zapisy dotyczące praw kobiet, że uznaje się je bardzo często za wyłączność kraju. Les droits des femmes dépendent de la législation de chaque pays. Słynny protokół bodajże 7 dotyczący Malty. Par exemple, à Malte, il n'y a pas d'IVG possible. W ogóle prawo reprodukcyjne, ale sprawy takie mais jak la contraception et tous les médicaments relatifs à la grossesse relèvent en fait de la libre circulation des biens et des personnes. Wolny obrót towarami i usługami, wolny przepływ towarów i usług. Donc on veut écrire une directive qui dit que la contraception est un bien commercial qui circule et que tout pays européen doit laisser ses biens circuler. Actuellement, la loi en Pologne est encore très restrictive, enfin, interdit l'IVG. Est-ce que vous pensez un jour parvenir à libérer le pays? Oczywiście. Gdybyśmy nie wierzyli w możliwość zmiany, si on croyait pas à la possibilité du changement, on ne ferait rien du tout. La loi changera aussi vite dans l'autre sens quand les libéraux, les progressistes accéderont au pouvoir. Po dyskusji, która miała miejsce w Polsce we wrześniu i październiku, le débat qui a eu lieu en septembre et octobre au sujet du droit des femmes a fait que 20% des gens aujourd'hui disent oui. La loi actuelle conservatrice doit être libéralisée. A tylko 7% et 7% uważa, seulement du pays considère qu'il faut restreindre le droit. To jest wielka zmiana. C'est un changement énorme, une inversion des proportions en deux mois. C'est une thématique qui est tellement importante pour les jeunes femmes qui ont organisé les manifestations noires, la grève, et qui disent de plus en plus souvent qu'un État dans lequel les femmes n'ont pas le droit d'avorter, un État comme l'État polonais actuel, c'est un État dans lequel leurs droits et leur sécurité sont très limités. Les thématiques liées aux droits des femmes et à leur liberté sont devenues inévitables dans la politique polonaise, pour les partis de l'opposition, y compris les partis conservateurs comme le parti centriste de la plateforme civique, qui à l'époque où il était au pouvoir n'a pas fait ce qu'il devait faire concernant le droit des femmes. Aujourd'hui, ce parti et les autres savent que les voix des femmes comptent. On est ce matin à l'hôtel Wrocław, de la ville de Wrocław, qui est donc la grande ville anciennement allemande de Breslau, du sud-ouest de la Pologne, qui organise aujourd'hui les élections du représentant, enfin du leader, du comité de la défense de la démocratie, qui est donc le mouvement d'opposition au gouvernement actuel, et dont les initiales KOD, Comité Obrony Demokracji, rappellent évidemment les initiales du mouvement KOR, Comité Obrony Robotników, qui était donc le premier mouvement d'opposition au régime communiste qui a ensuite donné naissance au syndicat Solidarność. On retrouve donc dans le code un certain nombre d'anciens leaders de l'opposition démocratique, de personnes, de figures morales et de figures éthiques et politiques très importantes et qui fonctionnent vraiment comme des modèles de la démocratie et de l'apprentissage de la démocratie qu'a fait la Pologne ces 30 dernières années. Comme par exemple Józef Pignor, qui était donc le trésorier du comité de la défense des ouvriers, c'est-à-dire le corps, et qui donc tenait en quelque sorte le cordon de la bourse et qui se différencie, ou en tout cas qui se démarque par une très grande probité et une très grande transparence dans ses actions et dans sa parole. Et toi, Agata, tu connais un petit peu tous ces gens qui sont là aujourd'hui pour cette élection? Oui, on va entendre trois candidats qui vont se présenter, Michał Korczak, Małgorzata Lech-Krawczyk, qui est la présidente régionale sortante, qui va se présenter aussi, et Marta Lempart, leader de la grève des femmes polonaises d'octobre 2016, qui est membre du comité de la défense de la démocratie depuis les élections de 2015, et qui va se présenter aussi en tant que la leader de la grève, ce qui peut résulter à une telle synthèse de deux mouvements, le code et le mouvement des femmes en Pologne. Zgodnie z naszym statutem to jest jedno z wykluczeń do startowania. I to w oświadczeniu, które Państwo składali składając formularz zgłoszeniowy, podpisywaliście się Państwo pod tym, że członkami organu władz stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ogólnopolski strajk kobiet zaczął się we Wrocławiu na manifestacji, która była zorganizowana pod koniec września. La grève nationale des femmes a commencé ici à Wrocław. On a initié ça pendant une manif qui a été organisée à la fin du mois septembre. Na tej manifestacji ja miałam wystąpienie i powiedziałam, że demonstracje to za mało. I że wzywam do strajku, że 3 października zróbmy strajk. J'ai intervenu pendant cette manif. Je dis que manifester ça suffit pas. J'appelle à la grève. Odniosłam się do strajku islandzkich kobiet z 1975 roku. Je me suis référé à la grève des femmes islandaises du 1975. O którym kilka dni wcześniej przypomniała polska aktorka, bardzo znana Krystyna Janda. Qui a été ramenée dans les débats publics par une acteur très fameuse, une vedette, Krystyna Janda. I w ciągu kilku godzin powstało wydarzenie na Facebooku, a następnego dnia już zapisanych na nim było 60 tysięcy osób. Pendant quelques heures, on a organisé un événement sur Facebook. Et il suffisait 24 heures pour que l'événement a été cliqué par 60 000 clics. I to było powodem, znaczy powodem sukcesu było to, że le succès consiste à ce que les protestations se sont déroulées dans les petits villages, dans la province, parce que le gouvernement conservateur a été convaincu que c'est la forteresse du PiS, donc du parti au pouvoir, et comme ça, ils ont connu une grande surprise. Obrażam się tylko na, w tym momencie obrażam się tylko na rząd, który chce pozbawić polskie kobiety wszystkich uprawnień, prawa do życia. My seuls ennemis sont les représentants du gouvernement actuel qui mettent en danger la vie, la sécurité des femmes. Każdy, kto organizował może się zdarzyć tak, że będę startowała. Mojej naturze bliższe jest protestowanie razem z ludźmi, bycie razem z ludźmi i to, czym się teraz zajmujemy, czyli takim wychodzeniem na ulicę i konfrontowaniem się fizycznym z władzą. De ma nature de protester dans la rue, de confronter le pouvoir dans les rues, de confronter physiquement même le pouvoir dans la rue et d'organiser les mouvements du peuple. Est-ce que ta vie avec ta compagne est un élément qui est venu avec de la difficulté ou est-ce que tu as pu facilement reconnaître cette vie? Comment ça s'est passé? Sytuacja osób homoseksualnych w Polsce jest bardzo trudna, bo jest bardzo duża nienawiść, tak jak zresztą do każdej odmienności. Natomiast la situation de minorité homosexuelle est très difficile en Pologne, pour la plupart à cause de la haine imminente. En revanche, moi, personnellement, je n'ai jamais expérimenté ça. Peut-être c'est à cause de ce que je n'ai pas peur. Les gens sont qu'ils ne peuvent pas me nuire, par ce genre de mépris. W każdym razie w internecie krąży moje zdjęcie z podpisem, że jestem lesbijką, która walczy o aborcję, żeby usunąć dziecko z in vitro. Il existe un meme internet avec ma photo sous-titrée une lesbienne qui se bat pour l'IVG, pour avorter un enfant conçu in vitro. No ale skoro ktoś się posuwa do czegoś takiego, to trudno mi traktować go poważnie. Mais c'est tellement ridicule que je ne peux pas les prendre en sérieux. Liczę na to, że to uda się zmienić, ale to je me bats pour le changer, mais c'est extrêmement difficile. Les gens considèrent que 33% des femmes dans les conseils régionaux et nationaux de Côte, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un succès. Pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment insuffisant. Donc, c'est un petit peu une présentation par défaut. Hein, znaczy, że, nie ma nikogo innego, więc ty to robisz, mm-hmm. tak? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest taka już moja refleksja, że startuję też, ja na pewno startuję. Moi, bien sûr, je me suis présentée en tant que candidate, pas seulement pour changer les indices, mais surtout parce que je trouve que je suis absolument capable de le faire. Mais j'en ai marre que les femmes en Pologne ne se présentent pas, n'ont pas ce genre de latitude. Je trouve que les résultats de l'éducation catholique et de l'influence de l'Église catholique en Pologne. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria. Benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris. Marek Radzkowski a une cinquantaine d'années. C'est un dessinateur, caricaturiste, souvent anticlérical. Il croque avec subtilité et poésie les paradoxes d'une société polonaise qu'il adore et déteste à la fois. Ça, c'est une photo d'une pancarte qui était très populaire au moment des manifestations et des grèves devant la maison de Kaczynski, qui a des chats, donc. Il y avait cette pancarte « Tu n'as qu'à baptiser ton chat ». To była straszna wypowiedź Kaczyńskiego, tak. To była najstraszniejsza, ta o tym, że trzeba takie dziecko urodzić, żeby je ochrzcić i pochować. Pour Marek, c'était vraiment une des phrases les plus terribles de Kaczyński, qui était celle de dire que les enfants devaient naître pour être baptisés et en fait enterrés. Pour lui, c'était... Znaczy, to zmuszanie kobiet do nazywania, na przykład do przeżywania poronienia, tak jakby umarło dziecko, jest takim nawet problemem. Pour Kaczyński, les femmes sont obligées de donner naissance, quoi qu'il arrive, même en cas d'avortement, à leur enfant. Donc, en fait, de traverser toute l'expérience, de leur donner une existence à l'enfant, donc donner une existence à l'embryon, le nommer, le baptiser, ensuite déclarer sa mort et donc vivre son deuil. Enfin, c'est donc cette expérience complètement folle qu'il veut que les femmes vivent. Koszmar. Nie wiem, czy oni na przykład wierzą w to, że jak się dziecka nie ochrzci, to ono idzie do piekła, czy co? Est-ce que sérieusement, ils pensent que si on baptise pas un enfant, alors il ira en enfer? Est-ce que c'est sérieusement ce qu'ils pensent? Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię. Oui, donc ça c'est une citation directe de Kaczyński qui dit que même lors des grossesses très difficiles, il faut que l'enfant connaisse la vie et soit meure et soit enterré. Bo tu obok jest ogórek. Et donc il y a tout de suite l'espèce de défense en fait autour de lui qui dit que toutes ces citations sont hors de leur contexte et que donc tout est manipulé puisque c'est mis hors du contexte. C'est la grande défense en fait du gouvernement, c'est de dire que les citations sont sorties de leur contexte. Mais Marek dit, mais il l'a dit, il l'a vraiment dit. Je lui demande si ça lui a inspiré des dessins, le contexte. No tak, to jest rysunek na ten temat. Uważam, że kobiety powinny mieć prawo do aborcji. Może ty po prostu po prostu rozmawiają trzy kobiety. Tak. Czy to się da w ogóle? Il y a un dessin avec, en fait, divisé en deux, avec un groupe de trois femmes à gauche. Donc à gauche, elles disent, il y en a une qui dit aux deux autres, je trouve que les femmes devraient avoir le droit d'avorter. Moi, j'ai ça même si moi, j'ai jamais avorté. Et puis à droite, il y a une autre femme qui dit, bah moi, c'est le contraire. Voilà. Tak, to już też zrobiłem taki rysunek, że kobieta pyta lekarza, dlaczego tak drogo, panie doktorze. Et on a fait un autre d'une femme qui est avec un médecin et qui lui dit, mais pourquoi est-ce que c'est si cher? Et le médecin lui répond, mais parce que c'est un péché très grand. No tak, to też możesz, to też dwie kobiety rozmawiają. Jak myślisz, co by było, gdyby w Polsce aborcja była legalna? L'avortement en Pologne était gratuit et volontaire. Et l'autre qui répond, les délais seraient si longs qu'on viendrait avec l'enfant. Dobrze, tutaj jest rysunek, to jest mój ulubiony rysunek na ten temat, zasłanie dół na razie. To jest zarodek z pępowiną, taki malutki, oparty o włoski orzech, o orzeszek. Myślę, że to będziesz to musiała powiedzieć. Pod tytułem człowiek oparty o drzewo. To jest le dessin d'un embryon avec vraiment mignon avec la taille d'une noix en fait, avec des petites pattes, des petits yeux, une petite queue en fait en quelque sorte, une sorte d'un embryon animal appuyé contre une noix et le sous-titre c'est un être humain contre un tronc d'arbre. C'est vrai que c'est très beau. Très adorable. C'est strasznie, dosyć okropne. Dit l'embryon est vraiment horrible. Ça lui a beaucoup plu de dessiner cette noix. Alors, jest dobrze narysowany. Sérieux, mais il est très fier de la noix. Tak nie wygląda embryon, tak mniej więcej wygląda. No tak właśnie mówię. Il dit, je sais pas à quoi ressemble un embryon, mais je me suis imaginé que ça ressemblait à peu près à ça. Skandowali uczestnicy sobotniej demonstracji przed Sejmem. Preludium do dzisiejszego czarnego protestu. W studiu Tomasz Stanikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika. Bo to jest, to jest taki rodzaj pułapki, w którą ciągle wpadamy, że jeżeli ja uważam, że c'est un peu le piège en fait vraiment des mots, c'est-à-dire de la langue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'une femme a le droit à l'avortement, toute la question de savoir de quoi elle avorte ou de quel état entre guillemets de l'embryon elle avorte est totalement caduque intellectuellement. Donc pour lui c'est absolument incompréhensible toutes les discussions sur est-ce que l'embryon peut être avorté, dans quel et quel cas, etc. Soit il y a le droit à l'avortement, soit il n'y a pas le droit à l'avortement, mais il n'y a pas de droit de discuter à l'avortement en fonction de l'état de l'embryon. Pour lui, c'est totalement absurde. Powrót do takiego myślenia, że mamy prawo, że silniejsi mają prawo decydować o życiu słabszych. W tym przypadku, że kobiety. Codziennie coś się dzieje, muszę to wiedzieć, ale muszę też oglądać te dwie rzeczywistości równoległe, czyli publiczną. Il regarde deux chaînes. La chaîne en fait du pouvoir et la chaîne dite publique qui est donc en fait un peu la chaîne du contre-pouvoir. Et il dit c'est super intéressant parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre, donc ils passent de l'une à l'autre et du coup il a comme ça deux espèces de réalités en fait qui à la fois parlent de la même chose et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc ça c'est en fait en quelque sorte assez inspirant, non, pour son travail de dessinateur. Donc il adore faire ça, il fait ça toute la journée. En fait, il passe d'une chaîne à l'autre. Czy też sytuacje niesamowite, dyktatura i demokracja występują równocześnie obok siebie, są w tym samym momencie, w tym samym czasie. Il dit que c'est une situation assez effarante où la dictature et la liberté, la dictature et la démocratie sont l'une à côté de l'autre, enfin entre guillemets, elles cohabitent. La dictature et la démocratie cohabitent dans une même réalité et en même temps montrent deux mondes totalement parallèles, quoi, qui ne se croisent jamais. No, tak jak mówiłem, no te dwie telewizje. Oui, il a constaté que donc les deux chaînes dont il parlait, la chaîne publique et la chaîne privée, avaient donc ces deux positions très différentes. La chaîne privée était ultra partisane des manifestations. Les journalistes eux-mêmes participaient en fait aux manifestations et les organisaient. Donc c'était plus de l'information, c'était vraiment du militantisme à l'écran. Tak, była kiedyś audycja na temat aborcji, gdzie było na temat, właśnie na tym szczególe się skupiono, że czy zespół Downa kwalifikuje w tej ustawie dopuszczającej, w tym kompromisie tak zwanym, zespół Downa. I w tej audycji... C'est Agata qui va traduire. En effet, sur la direction que prennent beaucoup de débats en Pologne sur la question de l'avortement, qui sont vachement manipulés. Par exemple, pendant un des débats, on a discuté si la législation en vigueur permet ou pas d'avorter le fœtus trisomique dans le studio télé. À côté des féministes était placée aussi une fille d'environ 20 ans, trisomique, qui a pas pris parole, mais qui a dessiné ses petits dessins pendant tout le programme. Nie, no sam fakt, że się o tym rozmawia, jest chyba jakoś zmianą, chyba się zmienia. Generalnie się chyba sytuacja poprawiła. Que la situation des femmes a quand même, c'est quand même beaucoup amélioré. Comme la situation de tous les citoyens de ce pays s'est beaucoup améliorée ces 30 dernières années. W kwestii aborcji poprawiła się o tyle, że granice są otwarte, na przykład. En ce qui concerne l'avortement, on a quand même une ouverture des frontières qui permet de franchir les frontières de ce pays pour avorter, par exemple. Ce qui est quand même. Pas... Ja uważam, że to jest zbrodnia, że il trouve que c'est, enfin, il trouve ça nul qu'une femme doive prendre le train pour aller à Berlin pour avorter et ensuite, après son opération, doive prendre le train de nouveau, dormir dans un hôtel au lieu de rentrer tranquillement à la maison de se reposer. Il trouve que c'est, en fait, symboliquement super violent, quoi. C'était Octobre, encore la Révolution. Premier épisode de la série La liberté ou la liberté, contour du féminisme polonais. Avec Barbara Nowacka, Agata Czarnacka, Marek Jurek, Krystyna Kapcura, Marta Lempart, Marek Raczkowski. Avec les voix d'Agnieszka Grudzińska, Agata Czarnacka. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kerbrand. Prise de son, Georges Thau, Alain Joubert. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Nathalie Battus. Une proposition de Johanna Grudzińska. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en manifestation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.